Tongo etani, nalamu kinambeto, na kanisinin, na kosala lelo. Na bangi sinzembo, koyo yashika, pena teli elokoni nezangi na katia mosala. Oya banzembo ekoki, eke na miso ya bakonzi, kwe bima zela na angaya ya salongo. Nyonso wana, demo sala nanga, alanga nzembo. Tongo etani, nalamu kina beto, na kanisini, na kosala lelo. Na bangi sinzembo, koyo yashika, pena tali eloko nini ezangi na kati ya mosala. Oya banzembo ekoki, eke na miso ya bakonzi, oye bima zela na ngai ya salongo. Nyonso wana, nde mosala na nga, alanga nzembo. Moyembi, Mosepelisi. Alanga nzembo. Tongo etani, salamu kina beto, na kanisini. Kosala lelo na bangi sinzembo oyo yashika pena tali eloko nini ezangi na kati ya mosala oyo banzembo ekoki eke na miso ya bakonzi oye bima mosala na ngai ya salongo nyonso wana Monsalananga, alanga nzembo. Moyembi, éducateur, Monsepelisier, Monsalananga, alanga nzembo. Rachidie na fisa banana kai ya motema o na kosala na kobongisa na zwa pata o bona bokolo bana oyo Mwimbaje mwalimu mufuraisha Gongoluo wanajua yote yao Maria mwe jafarie rashidie nafisa Watoto wangu waroho Kaza usiku na mchana Nikuze watoto wangu waro Hello! Aha! Thank you. nanga kimonoko tika na bimisa lelo bayeba mawazo oh oh oh. Nanga ya motema ayo ye yeah. Yeah. Ayo ye yeah. Na komi na bukabwe mokolo ya yabo mwasi nanga ya liboso mawazo marabu ayo ye yeah. Il faut à l'oba sans qu'il ait qu'il m'a cassé cardiaque sans être comme il peine aïe aïe aïe aïe aïe aïe Silly, samba Nikolo ya kompama na pola O kansile mbaba Mange na kukua Igolo ya kompa manapula Moboro obe Kaboro obe seliso Kalo genga Tuisega Wali obe Wili obe Lia poba Moboro tana masoko Bami solo nageme bako sakaga E moboro kitakwe Mwana moho wasiga mumu itoko Tumbasa mukoro e manywa Tumbasa mwana tata manywe O asili zeto sabalega zeto Gana

bandisola nation. Esprit à Salongo, esprit de Salongo, esprit de Salongo, la force d'Isaïe. Yeah. Salongo, yo, yeah. Salongo, yo, yeah. Salongo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, thank you. Tokutani na yona pokwa shebabe yolo binangai na yokotala yo nandi maki ona yembi na malamu to yembani ndabukavu mikola mingi eleki asina yozali solo na raison kasi na ye kotala yo yosali sable mpona kulai kinshasa oyo batutaka tolo te na bendi nzoto sheri asina bukavu tokokutana tokolobisana esika tobandaki bolingo bambula oyo kaka boye moto na moto aluki mwaye ya kozwa oyaki na yo kinshasa koluka mpongo na koloba nini ye sheri na ngai kasi lala pongi mpe okitisa motema kobanza te rashidi asiliki ezali likambo elekaka roko epai biso na mokili bamama bababa mwana muke keba kasi lala pongi mpe okitisa motema kobanza te rashidi asiliiki ezali likambo elekaka boko epai thank you.

Oh, mama, tu y'a moulé, tu y'a moulé.